News 6 de Corée du Sud a publié le 28 avril un écrit se moquant de la bande de Bakouni qui, abandonnée par le public, se débat dans la pire crise.